Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le bilan de l'année économique 2023, avec comme d'habitude une émission co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue donc pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors avant de commencer cette émission, je voulais adresser à tous nos auditeurs eh bien, nos voeux pour cette nouvelle année 2024. Et bien évidemment, Francine, je te souhaite également une excellente année 2024. Eh bien Jérôme, très belle année à toi aussi. Et sachez donc que l'on va se retrouver bien sûr tout au long de cette nouvelle année 2024 pour l'Instant Éco. Alors justement Francine, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons aborder quelques grands thèmes économiques qui ont jalonné 2023, avec aussi une interview de Thierry Collin de la Grande Épicerie Générale afin de parler de supermarchés coopératifs, sans oublier nos deux coups de cœur musicaux de cette année 2023. Parfait Francine, alors commençons cette émission en évoquant donc le télétravail qui a eu tendance à se développer en 2023. Eh oui Jérôme, aujourd'hui 56% des Français ont recours au télétravail qui est devenu un droit pour les salariés. Après avoir émergé pendant la pandémie, ce mode d'organisation est entré dans les mœurs. Ses adeptes font en moyenne 2 jours de travail à distance par semaine. Alors son succès s'explique en raison donc des avantages qu'il procure tant pour les salariés que pour les entreprises. Pour les salariés, cela permet un équilibre vie privée, vie professionnelle, notamment lorsqu'on doit gérer de jeunes enfants. Moins de stress également, notamment en région parisienne, en raison des difficultés le matin d'arriver au travail. Quant aux employeurs, cela permet de disposer d'un personnel plus motivé, de réduire les surfaces allouées, avec des économies de chauffage, d'électricité. Alors, sauf que l'on commence à voir aujourd'hui des effets collatéraux, notamment sur le commerce environnant. En effet, le télétravail a bouleversé le quotidien d'un certain nombre de commerces. Les coiffeurs sont de ceux-là. Les pics de fréquentation ne sont plus les mêmes généralement, on les retrouve en début de semaine. Et la fréquentation s'est également déplacée géographiquement puisque les télétravailleurs consomment désormais davantage près de leur domicile. Et la modification de l'activité est également visible auprès des restaurateurs. Avant le Covid, l'activité s'étendait sur 5 jours. Désormais, elle se concentre sur 3 jours avec des pics le mardi et le jeudi. Pas simple en organisation car ces journées sont si intenses que les restaurateurs doivent refuser certains clients par manque de place. Et dans les quartiers dédiés au bureau, la situation peut en revanche être très difficile, la fréquentation n'étant pas revenue à ses niveaux d'avant pandémie. Le cas le plus emblématique est la Défense près de Paris. Le taux de vacance des bureaux dans ce qui est le plus grand quartier d'affaires d'Europe est d'environ 15%. Les lundis et les vendredis, le parvis et les tours y sont particulièrement vides à cause du télétravail. Beaucoup de restaurateurs mettent la clé sous la porte par faute de clientèle. C'est notamment le cas de Deli Pic, l'enseigne du mari de la chef Anne-Sophie Pic, qui a fermé pour ces raisons à la Défense en octobre 2022. Et puis Francine, avec l'essor du travail à domicile, les besoins des Français en costume, pantalons et chemises sont moindres. Le volume de vêtements que nous traitons a chuté de 10%, admet Olivier Bocara, président du groupe 5 à 7, leader mondial du pressing. Reste qu'avec les conséquences sur leur activité de l'essor du télétravail, conjugué à la crise du pouvoir d'achat, commerçants et restaurateurs donc sont plus que jamais inquiets pour leur avenir. Et cela démontre qu'en économie, on n'anticipe pas toujours les effets indirects de certaines mesures qui, sur le papier, sont des avancées pour les salariés. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Alors, autre événement économique Francine, changement de nom et d'identité graphique pour Cronenbourg qui devient Brasserie Cronenbourg ou BK. L'occasion de faire un focus sur le marché de la bière avant de revenir sur le changement de stratégie Cronenbourg. Alors, les voyants du marché de la bière sont au vert, championne d'Europe de houblonnage avec plus de 2300 sites de production sur le territoire et 3 entreprises qui se créent par jour selon le syndicat des brasseurs de France. La France a encore de la marge pour rattraper ses voisins européens en termes de consommation. Alors justement, Jérôme, connaît-on la consommation de bière par an pour un Français en moyenne ? Moi, je dirais une dizaine de litres. Eh bien non. Par an, les Français consomment en moyenne 33 litres de bière, ah donc bon, multiplié par 3. Ah bah je suis en dessous de la moyenne hein, quand même. Ah bah oui, moi aussi. Donc une très petite performance qui lui vaut l'avant-dernière place du classement, loin derrière la République tchèque, 129 litres par habitant et par an, l'Autriche, 101 litres par an et par habitant. Donc les Français consomment moins en général, mais davantage de bières spéciales et de spécialités. De l'arôme tequila au goût de fruits, le rayon bière n'a en effet jamais été aussi diversifié. Au niveau de la bière artisanale, si ses ventes ont augmenté de 10% en 2022, elle n'occupe encore que 5% du marché de la bière en France, où 65% d'entre elles sont vendues en supermarché. Alors Francine, revenons à Kronenbourg, donc propriété donc depuis 2008 du brasseur Carlsberg et qui possède donc les marques 1664, Grimbergen et Tourtel. Alors derrière le changement de nom de Kronenbourg qui devient donc Brasserie Kronenbourg, le groupe entend affirmer sa stratégie avec le nouveau logo qui délaisse le rouge pour un bleu monochrome. Il endosse la double mission de marquer le caractère français du groupe et fait un clin d'œil à la marque 1664 qui est la marque phare du groupe. Alors sa part de marché a été donc de 25%, juste derrière le géant de la bière Heineken avec 28%. Alors comme de nombreux industriels de l'agroalimentaire, le groupe a dû faire face en 2023 à d'importantes hausses des prix, à savoir la hausse du prix des matières premières mais aussi la hausse du prix du verre qui ont été répercutées sur le prix de ses bières. Une hausse des prix qui ont pu détourner certains consommateurs dont le pouvoir d'achat a été rogné par l'inflation. Alors parmi les marques du groupe, une connaît une forte hausse de ses ventes, c'est la marque Tourtel Twist en lien avec le développement du marché des bières sans alcool. 6 millions de consommateurs en France, dont 700 000 nouveaux rien qu'en 2022. Kronenbourg donc est donc leader sur ce marché avec 60% des ventes réalisées par Tourtel. Une vraie demande de la part des consommateurs, 5% des ventes en France mais déjà 15% en Espagne et en Suède. Cette croissance s'explique par une vraie amélioration du goût de ces bières car Francine, avant on arrêtait la fermentation en cours de route avant que l'alcool n'apparaisse. Désormais on réalise une fermentation complète et ensuite on désalcoolise la bière par évaporation, donnant ainsi le vrai goût de la bière. Alors oui, et autre avantage, Jérôme, les bières sans alcool sont beaucoup moins taxées. Alors que la TVA est de 20% sur les bières, elle n'est que de 5,5% sur les sans alcool. Un argument supplémentaire pour les consommateurs. Tout à fait, Francine, et pour avoir goûté personnellement cette bière, moi je l'apprécie beaucoup. Oui, mais je crois que ce n'est que de la bière parfumée. C'est... Ah oui, oui, voilà. Ah, oui, c'est, oui voilà, voilà, la bière donc, est forcément parfumée. Mais elle est très très bonne, effectivement. Voilà. Allez Francine, après ces deux donc, infos économiques et avant de retrouver donc, Thierry Collat, la grande épicerie générale, on va retrouver un de nos coups de cœur musicaux de l'année 2023. C'est Santa, je pense que tu connais, Francine, popcorn salé. Non. Non, bon, tu vas découvrir. Voilà, c'est ça. Santa, c'est la voix unique d'une performeuse qui rend honneur à ce qui a fait les belles années de la variété française, la mélodie et les grandes voix. Auteur, compositrice, interprète du groupe Ifen Ifen, Santa se lance en solo donc en 2023, elle a produit, enregistré, réalisé et joué tous les instruments de chacun de ses titres. Alors Popcorn Salé, c'est une grande chanson d'amour et de coup de cœur donc de l'instant écho. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, voilà, c'était Sanda Santa dans Popcorn Salé, le premier coup de cœur de la rédaction de l'Instant Écho pour l'année 2023. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'Instant Écho et on essaie de faire un bilan de l'année 2023 sur le plan écho. Et l'une des plus belles réussites de cette année 2023, c'est la croissance de ce supermarché coopératif, la grande épicerie générale que vous pouvez retrouver donc à Nancy. On accueille à l'Instant Écho, dans quelques instants, l'un de ses représentants, Thierry Collin. Et oui, on a le plaisir donc à Radio Fadjet d'accueillir donc Thierry Collin qui représente donc la grande épicerie générale. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors en quelques mots, Monsieur Collin, pouvez-vous nous présenter justement la grande épicerie ? Alors c'est un magasin participatif, c'est une coopérative. Participatif, ça veut dire que tous les clients, pour être client, pour acheter dans le magasin, il faut donner un peu de son temps, 3 heures par mois pour tenir la caisse, ranger les rayons, réceptionner les livraisons, faire le ménage, faire la comptabilité. On fait pas tout, on choisit son créneau, son horaire pour faire ses 3 heures par mois et tout le monde participe, ce qui fait que on choisit nous-mêmes nos produits. On a des produits qui sont un peu moins chers, on essaye de mieux les choisir tout simplement. Mm-hmm. Donc c'est une autre façon donc de faire ses courses par rapport à la grande distribution. Oui, effectivement, c'est notre façon de faire ses courses parce qu'on sait que dans le magasin tout est choisi par des coopérateurs. C'est pas le marketing qui choisit ce qu'on a dans les rayons, c'est des produits qui sont plus en vrac, qui sont vendus à l'unité. Il n'y a pas de promotion. On n'essaye pas de survendre des choses. Voilà, on vend au prix juste et tout est vraiment bien choisi pour avoir des produits à la fois de qualité et puis à la fois avec des prix intéressants. Parce que pourquoi ? Parce que comme on participe tous, et bien en fait, le magasin coûte moins cher. Il y a une seule salariée, il y en aura peut-être deux à l'avenir, mais l'idée, c'est que tout le monde participe. Donc en fait, on arrive à faire des marges moins importantes que dans d'autres magasins. Oui, je crois qu'en plus, vous êtes fixé comme objectif de limiter les marges à 20%. Exactement, une marge fixe à 20% pour tous les produits. Dès qu'on achète un produit, soit un produit soit un fournisseur, on met une marge de 20%. Donc c'est vraiment par rapport aux autres magasins qui font des marges fluctuantes, qui sont énormes sur certains produits. Nous, on a des marges très fixes, ce qui fait qu'on sait, on sait des prix garantis. Il y a beaucoup moins de hausse des prix aussi chez nous, par exemple. Dans une période donc d'inflation, ça peut être effectivement un beau moyen de pouvoir acheter des produits à prix raisonnable. Exactement, c'est des bons produits sans se ruiner à des prix raisonnables. Alors justement, au niveau des produits, je crois que vous donnez la priorité aussi aux acteurs locaux et aux produits bio. Oui, voilà, dans le choix des produits qu'on a en magasin, on a à peu près 3000 références. On a commencé rue Saint-Nicolas par un tout petit magasin, on était juste à côté des studios. Ici, là, on est un peu plus près de la Meurthe maintenant, dans un magasin plus grand, voilà, plus de près de 300 mètres carrés de rayon. On choisit nos produits de manière éthique, de manière le plus éthique possible, le plus local possible, le plus bio possible. Pas seulement, parce qu'on est ouvert à toutes les bourses, c'est pas un magasin bio de plus, c'est un magasin où il y a des bons produits bio et locaux, et il y a des produits pas très chers, parce qu'on veut être ouvert à toutes les bourses, et il y a tout le monde qui vient chez nous. Il y a des retraités qui ont des petites retraites, il y a des chômeurs, il y a des étudiants, donc on a des porte-monnaies qui sont petits, donc on veut des pommes bio, mais on va acheter des pâtes pas chères. Voilà. Donc on a vraiment un mélange de tout ça, mais effectivement, on essaye de privilégier les producteurs locaux, on est fidèle à nos fournisseurs, on a 70 maintenant qui sont dans nos rayons, de l'apiculteur jusqu'à il y a vraiment tout. Il y a des produits frais, il y a des laitages, il y a de tout, mais on essaye de privilégier le produit local, mais pas seulement. Il y a aussi des bananes et des oranges, par exemple. Oui, tout à fait. Et vous l'avez rappelé dans votre introduction, donc la seule contrainte, c'est de donner de son temps, c'est-à-dire 3 heures donc, par mois. Voilà, exactement. 3 heures par mois, on s'investit. Alors, il faut venir, hein, parce que si deux caissiers ne viennent pas faire leur créneau, et ben, le magasin ne peut pas ouvrir. Donc, c'est pas simplement. Oui, c'est un vrai engagement. Donc, les gens s'engagent 3 heures par mois, on a des créneaux, ça se passe par informatique, on s'inscrit, souvent c'est les mêmes créneaux, on retrouve les mêmes personnes et il y a un côté convivial, hein, parce que tenir un magasin, alors on n'est pas tous, personne n'est formé à tenir un magasin, mais on apprend, on n'est jamais tout seul, on nous explique voilà, comment tenir la caisse, soit comment ranger les rayons, il y a les frais, c'est très, très organisé hein, quand même, tout est écrit donc on se fait aider par quelqu'un, donc il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir et l'autre engagement aussi, c'est de prendre une part de la coopérative. On est sociétaire de la coopérative. C'est pas une somme énorme, c'est 10 euros. On achète pour 10 euros, c'est un engagement. Voilà. Si on repart, on déménage, j'entends 5 ans, ben on reprend ces 10 euros. Mais on a tous une part dans le magasin. Donc on est 300 propriétaires du magasin. D'accord. Et 300 clients et 300 personnes à s'investir pour faire tourner cette boutique. Et on a besoin de gens parce qu'on doit être plus nombreux pour ouvrir tous les jours, pour avoir plus de produits, pour que ça tourne mieux. Ça tourne déjà bien, mais on attend les anciens qui sont intéressés. Au-delà, il y a des gens qui viennent de plus loin. Souvent, le commerce, c'est à proximité. Là, il y a des gens qui viennent de plus loin pour venir participer à la grande épicerie générale, qui est un peu une aventure citoyenne aussi. Hein. Fadjet, oh yeah, le festival de toutes les musiques. Toutes les musiques. Voilà, merci donc Thierry Collin pour toutes ces explications concernant donc la grande épicerie générale, magasin coopératif à Nancy. Allez, maintenant passons maintenant Francine à un anniversaire parce qu'en 2023, eh bien Vinted a fêté ses 10 ans. Et oui, et la société a bien profité de la période Covid et elle tire aujourd'hui profit de la crise économique où le pouvoir d'achat est en berne. Sans oublier que consommer seconde main, c'est éco-responsable quand on sait que l'industrie du textile est l'une des plus polluantes. Conséquence, les particuliers se tournent vers le seconde main. Et toi, Jérôme, Vinted, tu as créé ton compte, j'espère. Eh bien, pas encore, Francine. Je suis un peu décalé. Hein. Ah, bah écoute, moi je le fais. C'est vrai que ça permet d'acheter des objets qui ont déjà servi et qui sont encore très bien. Parce que oui, j'ai constaté que Vinted, ce n'est pas uniquement des vêtements. On retrouve moi j'achète des jouets. Voilà, voilà on peut retrouver donc beaucoup d'objets. Ouais. Donc Vinted fait désormais partie du quotidien des Français. 23 millions d'entre eux ont d'ailleurs déjà ouvert un compte sur le site de l'entreprise lituanienne. Chaque année, c'est un chiffre d'affaires qui progresse avec une croissance à deux chiffres. Vinted est ainsi devenu en 2023 le premier site de mode en France en termes de chiffre d'affaires devant Amazon et Zalando. Et Francine, moi j'ai lu un petit peu des articles sur Vinted et j'ai vu que ses prochaines conquêtes, c'est le marché des vêtements pour les hommes justement. Donc voilà, je suis un client à conquérir. Voilà. Et ils veulent également se positionner donc sur le luxe. Alors le succès est tel que les enseignes physiques ont réagi hein, pour éviter une évasion de leurs clients vers Vinted. Des marques comme Kiabi ou Zara ont ainsi lancé des corners de seconde main. Alors Francine, on va passer maintenant au deuxième coup de cœur de l'instant éco. On va écouter Slimane. Alors, on l'a beaucoup entendu en 2023 et on va encore l'entendre beaucoup en 2024 car tu sais qu'il va représenter la France à l'Eurovision. Très bien. Alors sans plus attendre, voici donc le titre qu'il va interpréter donc justement à l'Eurovision, Mon amour. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai Voilà, c'était donc Slimane avec Mon amour. C'est cette chanson donc qui représentera donc la France à l'Eurovision prochainement. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Allez Francine, on va passer aux dernières infos économiques qui ont marqué donc l'année 2023. Alors les prix des frites, chips et purées s'envolent, des hausses qui vont parfois jusqu'à 25% sur un an. Selon l'INSEE, en un an, le filet d'un kilo de pommes de terre vendu en rayon est passé de 1,70€ à 2,09€, soit une hausse de près de 23% entre septembre 2022 et septembre 2023. Des hausses qui ont forcément un impact conséquent sur le budget des consommateurs, tant on sait que la patate est une star du chariot de course. Un Français consomme en moyenne 50 kilos de pommes de terre par an, dont 30 kilos sous forme transformée. Alors là, j'en parle, là, je ne sais pas si je suis dans la moyenne. Moi, j'adore les pommes de terre, hein. Mais 50 kilos, c'est quand même impressionnant. Oh, ça ne m'étonne pas trop. Mais bon, on peut aussi faire soi-même les frites. Peut-être que ça coûte moins cher. Alors, la principale cause, c'est une très mauvaise récolte à l'été et l'automne 2022 qui fournit des pommes de terre conservées pour être vendues dans l'année qui suit. C'était même la pire récolte de ces 30 dernières années. Ajoutez à cela la hausse des prix de l'énergie qui a suivi le début de la guerre en Ukraine. Or, la filière a besoin de fioul pour les tracteurs, de gaz et électricité pour la conservation en chambre froide et pour la transformation. Une demande qui ne faiblit pas et vous obtenez le cocktail complet pour une envolée des prix. Bon ben j'espère, comme la récolte a été un peu meilleure en 2023, j'espère que les prix vont s'assagir. Alors, autre info éco, eh bien c'est le mythique cinéma Gaumont Champs-Élysées Marignan sur les Champs-Élysées qui a fermé définitivement ses portes le 3 décembre dernier après 90 ans d'activité. Après cette fermeture, il ne restera plus que deux cinémas sur les Champs-Élysées, un de chaque côté de l'avenue. Alors, symbole d'un quartier désormais surtout fréquenté par les touristes, les cinémas n'y font plus recette et souffrent de loyers trop élevés en avec en plus la concurrence des grandes marques de luxe et de mode. Alors Francine, dans les années 70, il y avait 26 cinémas sur les Champs-Élysées. C'est vraiment une autre époque. Incroyable. Allez, une dernière info, Francine. Donc, pour terminer, coup de projecteur sur Dao Devi, société nancéenne qui fabrique un jean made in France à base de lin et qui va s'installer place Stanislas début 2024. Et pourquoi le lin et pas le coton, Jérôme? Ça, je sais, Francine, parce que la France est le premier producteur de lin et que le coton, mais il faudrait l'importer, donc on aurait un mauvais bilan carbone. Oui, et puis en plus, le coton, on utilise beaucoup, beaucoup d'eau. Enfin, il y a un tas de facteurs qui font qu'ils s'orientent vers le lin. Alors, nouvelle annonce en 2023, la société élargit désormais sa gamme en lançant son premier sac à main unisexe, végétal et made in France. Et la société fait ainsi son entrée dans l'univers des accessoires avec un produit créé sans colle ni solvant chimique, mêlant les techniques de pointe de laboratoire avec les savoir-faire des tanneries tricolores connues dans le monde entier pour leur excellence, nous informe Dao Devi. La marque a ainsi dévoilé le sac Faubourg, proposé en 3 couleurs et confectionné dans son atelier de Maxéville. Il a récemment participé au salon du Made in France, grand messe de la fabrication tricolore qui s'est tenue du 9 au 12 novembre à Paris. En tout cas, une belle réussite nancéenne, Francine, qu'il fallait souligner dans l'instant écho. D'ailleurs, nous avions reçu il y a quelques mois Dao Devi dans nos studios et vous pouvez écouter en replay cette émission en vous connectant sur le site de Radio Fadjet. Et bien voilà, Francine, la demi-heure a très vite passé. Donc ainsi s'achève cette nouvelle émission de l'instant écho. N'hésitez pas donc à nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission tout au long de l'année 2024. Eh bien, Francine, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Astro Écho. Oui, Jérôme, très volontiers. Eh bien, d'ici là, donc, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.